innocent, caché derrière un arbre, dans cette immense forêt. À mes pieds, j'en suis sûr, prêt à bondir sur moi. Il est là, je l'attends, c'est lui ma proie. Je suis à ses trousses et le traque depuis longtemps déjà. Vêtu de mon armure de guerrière, le corps couvert d'une huile très fluide, armé de mes ongles soigneusement aiguisés, la chevelure tressée, ornée d'aiguilles et de clous, je détiens dans mon sac à main un rasoir, une paire de ciseaux et une tondeuse capillaire. Son crâne, il hurle d'effroi et de douleur. Aussitôt, une de ses mains me relâche pour décrocher quelques cheveux de ma mâchoire. L'occasion est trop belle, je lui plante mes ongles sur le cou et serre avec une telle ténacité qu'un filet de sang coule le long de mes doigts. Ses deux mains retiennent mon poignet, enfin je me relève et balance ma tête sur le côté. Tresse prend son envol et pénètre le dos de mon adversaire. Tourmenté, il se redresse. Cela me permet d'extraire une de mes jambes pour lui asséner presque aussitôt un coup de pied sous le menton. Il émet un cri affreux en se tenant la mâchoire. Il se relève et entame une danse de souffrance. Je grimpe sur son dos en lui serrant la gorge. Mes jambes repliées se croisent autour de sa taille. Il se débat, tente de me désarçonner. Ses mains ne parviennent pas à s'agripper. Mon corps recouvert de graisse ne peut être accroché. Je parviens à le frapper dans le bas-ventre du talon. Il gémit à nouveau, se crispe, tombe à genoux et s'écroule le visage contre le sol. Je détends enfin la pression, place mes orteils à l'intérieur de sa bouche. Il ne réagit pas. Il est évanoui. Je l'ai vaincu! Je prends conscience de sa corpulence. Me félicite de mon triomphe. Je retourne le corps étendu. Il le déshabille complètement. Je récupère dans mon sac à main mes ustensiles de combat. Lui soulève la tête. Lui coupe la crinière avec les ciseaux. Puis lui tond le crâne. Je lui laisse cependant juste une mèche derrière la nuque. Je m'empare ensuite de mon rasoir, lui ôte les poils de la barbe et lui rafraîchit le dos, le ventre, la poitrine, les jambes. Tout y est tendu. Je termine par la région de son pubis, mais n'ose toucher avec mes doigts son énorme pénis, pourtant impuissant. À l'aide d'un morceau de bois, j'écarte l'objet inoffensif et me satisfais de le raser complètement. Je retiens mon prisonnier en liant la mèche de son crâne autour d'un arbre robuste. Et je m'allonge un instant pour me reposer. Lorsque je l'entends reprendre connaissance, je me relève et m'approche de lui doucement. Je lui passe la main sur son visage tuméfié. Ah ah ! Avec docilité, il me lèche les doigts. Ah, il consent ainsi à devenir mon esclave. Je le délivre. Il se positionne à genoux, les mains touchant le sol comme un quadrupède apprivoisé. Je m'assieds sur son dos en cavalière. Je lui saisis la crinière et tire d'un coup sec. Il comprend alors qu'il doit avancer pas à pas le long du chemin, droit devant.